Merci pour votre fidélité à notre écoute. Vous êtes bien sur la première et tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Les jeunes filles se dévoilèrent, enlevèrent leurs foulards multicolores, dénouèrent leurs chevelures et se mirent à sangloter en se griffant le visage comme une coutume antique en a formé l'instinct lorsque surviennent de grands malheurs. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Qui dit jeune dit innovateur. Donc quand un roi est jeune, peut-être qu'on attend de lui son côté innovateur, son côté subversif, qui va faire évoluer les choses. Mais apparemment, jeunesse ou vieillesse, il n'y a pas trop de changements. Du protectorat à l'indépendance, cette semaine, la destinée d'Hassan II, roi du Maroc, naissance et épanouissement d'une démocrature. L'armée est fidèle à son roi et la situation est normale et tous les comploteurs ont été arrêtés. Bonjour. Il vient d'arriver au pouvoir, ce jeune roi à la réputation de playboy, de jeune homme élevé dans le luxe et l'amour des bolides puissants. Il vient tout juste d'arriver au pouvoir, 4 petites années se sont écoulées que déjà l'on enlève à Paris le principal opposant marocain, Mehdi Ben Barka, son ancien répétiteur de mathématiques. Et dès lors, la cascade de révélations sur cette affaire, dont un grand nombre sont encore à découvrir, fait apparaître au grand jour et sous une lumière blafarde les méthodes de gouvernement du jeune roi. Est-ce d'avoir été enlevé très jeune et tenu éloigné du Maroc afin d'éviter toute possibilité de succession qu'Hassan a appris très tôt que les méthodes à employer pour gouverner la partie la plus occidentale du Maghreb devaient être des méthodes dures où la pitié n'a guère de place? Sans doute. C'est d'une poigne de fer que le souverain entend assurer l'inviolabilité de son règne, et pour cela il a un allié précieux, la police politique. La monarchie démocratique et sociale, définie par la Constitution de 1962, est en fait un régime féodal autoritaire qui considère toute critique comme une offense à la famille royale et qui n'hésite pas à tuer pour conserver le pouvoir. Seulement voilà, 30 ans après son accession au pouvoir, le monde a changé autour d'Hassan II. L'exigence humanitaire exerce davantage de pression et la mise à nu des méthodes du roi du Maroc vont brutalement être révélées au public avec la parution d'un ouvrage en 1990, « Notre ami le roi », signé Gilles Perrault. Une bombe, il n'y a pas d'autre mot, puisque l'ouvrage, interdit naturellement au Maroc, va susciter une véritable mobilisation de l'opinion et des politiques, entraînant, sinon une réforme profonde, tout au moins un assouplissement conséquent de ce qui pouvait se passer dans les prisons marocaines. Gilles Perrault, avec cet ouvrage, a fait le tour des rédactions. Il est naturellement venu ici, à la Radio Suisse Romande, chez Patrick Ferla, nous raconter la genèse et le déroulement de son enquête explosive. Nous nous transportons le 19 octobre 1990. Chapitre 1. Notre ami a bientôt un ennemi. Il y a 6 ans de cela, j'ai reçu une lettre d'un étudiant marocain qui avait lu l'un de mes livres, L'Orchestre Rouge, et qui me posait des questions, lettres banales. Bon, on est entré en correspondance et j'ai découvert que ce garçon était en fait à la prison de Kenitra, prison politique, et qu'il avait été condamné à 20 ans de prison pour distribution de tracts. Et il était entouré de dizaines de camarades qui étaient condamnés aussi à 20 ans, à 30 ans de prison, voire à perpétuité, pour distribution de tracts. C'était il y a 6 ans. Et je me suis dit, j'entendais parler d'un Maroc démocratique, de démocratie hassanienne, je me suis dit que c'était tout de même une curieuse démocratie que celle où on pouvait être condamné à la prison à perpétuité pour distribution de tracts. Et c'est là que je connais bien le Maroc, comme beaucoup de Français, j'y suis allé la première fois il y a 40 ans. Bon, je me suis, mais tout de même, je me suis dit que ça n'allait pas, cela. Et c'est là que j'ai commencé véritablement à m'intéresser au Maroc et à fouiner un peu. Et ça a été le début d'une enquête, évidemment, qui s'est accélérée ces dernières années pour découvrir cette réalité qui était occultée, qui est encore largement occultée. Le livre, c'est au fond la description d'un système, le système Hassan II. Alors lui, c'est un personnage intelligent, cultivé, double culture, française et marocaine, habile, rusé, le cas échéant, courageux, mais c'est aussi un despote, c'est un homme qui gouverne comme on gouvernait dans les siècles anciens, enfin, et c'est un gouvernement médiéval. Bon, les gens disparaissent, les gens sont torturés, les gens... Bon, voilà, c'est donc une toute autre pointure, si je puis dire, que celle de son père, et c'est bien ce qui fait problème. Il en est souvent ainsi dans les régimes fermes. Les compagnons de la première heure disparaissent souvent à la seconde et voient rarement le coucher du soleil. En est-il différent pour Hassan II ? Non, alors là, vous savez, l'histoire du règne évoque irrésistiblement les dix-petits nègres d'Agatha Christie. Les dix-petits nègres ou les dix grands marocains sont là autour de lui au départ et il va les éliminer les uns après les autres. Il va les éliminer parce qu'il faut dire que ces hommes, qui sont d'abord ses féaux, ses fidèles serviteurs, vont finir par se retourner contre lui et... parce qu'il ne supporte pas la corruption. C'est le spectacle. Ça n'est pas la cruauté de Hassan II, ça n'est pas le caractère effrayant de sa répression qui les détourne, car ce sont des hommes eux-mêmes très durs et qui ont torturé et tué, comme Oufkir, mais c'est la corruption. C'est la corruption qui les écœure. Et ils vont se dresser contre le roi, et le roi va les éliminer. De l'équipe originelle, si je puis dire, il ne reste plus personne. Il ne reste plus personne. Chapitre 11. Un drame shakespearien. La séance du Conseil des ministres présidée par le roi tire en longueur. Pâle, crispé, Oufkir paraît à bout. Soudain, il explose. Ça ne peut plus durer. Si vous ne changez rien, il y aura un autre putsch. Et plutôt que d'être descendu en maillot de bain, j'aime mieux en finir tout de suite. Devant le roi et les ministres médusés, il sort de sa poche un revolver et le plaque sur la table. Un long silence, puis Oufkir se lève et quitte la pièce en disant « Moi, je vais dormir, je suis trop fatigué. » Hassan II le suit, s'enferme avec lui dans un bureau. Il parle plus d'une heure. Ministre de l'Intérieur, au moment des émeutes durement réprimées de Casablanca, ministre de la Défense, après le massacre de Skhirat, chaque fois qu'une brèche s'ouvrait dans le système, on appelait Oufkir. Et toujours pour réprimer, quadriller, espionner, punir. Il y avait cru, il n'y croyait plus. À quoi bon s'échiner puisque rien ne changeait au fond et que les mêmes causes produisaient toujours les mêmes effets? Quelques procès spectaculaires jetés en pâture à l'opinion n'aboliraient pas la corruption consubstantielle au régime hassanien. Ministre de l'Intérieur, Oufkir était mieux placé que quiconque pour en apprécier les ravages. Posant son regard noir sur les ministres, il pouvait dire quel trafic et concussion avaient fait la fortune de chacun. Lui-même était riche, mais ses pires ennemis ne l'auraient pas rangé parmi les corrompus. Le peuple l'appelait « celui de nos ministres qui nous coûte le moins cher ». Bourreau sans doute, mais bourreau honnête, il n'avait guère de mérite, l'argent ne l'intéressait pas. Extrait de « Notre ami le roi » de Gilles Perrault. Oui, alors Oufkir est un personnage fascinant et c'est vrai que j'ai été fasciné par Oufkir. Oufkir est un berbère du sud du Maroc qui est un guerrier. Bon, très jeune, les Français le distinguent et lui font suivre des écoles militaires et il va devenir officier français, se battre avec un courage sans faille, aussi bien à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En Italie, il est à Monte Cassino où il est blessé et alors ses blessures vont contribuer à en faire un homme tout à fait à part. Enfin, il était impressionnant. Quand Oufkir rentrait quelque part, tout le monde le regardait, tout le monde se taisait. Et donc l'Indochine, et il revient couvert de médailles et de blessures. Il épouse totalement la cause française, celle du colonialisme, il faut bien le dire. Il participe à la déposition du sultan Sidi Mohamed. Et puis, quand Sidi Mohamed revient, il va devenir Mohamed V, Oufkir change de camp et devient précisément l'aide de camp de Mohamed V. Et il va devenir le compagnon de boisson, de débauche du prince héritier, qui est donc le futur Hassan II. Ils vont organiser ensemble la répression d'une rébellion dans le Rif. Et quand Hassan II va arriver sur le trône, Oufkir va devenir son homme lige, le plus fidèle de ses serviteurs, selon les termes de Hassan II lui-même, son exécuteur des hautes et basses œuvres. Il va être le chef de la sûreté, puis le ministre de l'Intérieur. Il va réprimer des soulèvements populaires en tirant à la mitrailleuse du haut de son hélicoptère. Et il va surtout torturer les militants de l'opposition avec une cruauté absolument sans borne. Il était son bourreau, oui, il était son exécuteur des basses œuvres. En plus, Oufkir était écœuré par la corruption qu'entretient Hassan autour de lui. Il règne par la peur, mais il règne aussi par la corruption. Et Oufkir a monté lui-même un coup d'État qui visait à descendre le Boeing royal alors que Hassan II était à bord, rentrant de vacances en France. Et miraculeusement, pour le roi, le coup d'État a échoué, c'est-à-dire que 5 F-5, des avions ultra-modernes pour l'époque, ont échoué à abattre ce Boeing, qui est un veau dans le ciel, n'est-ce pas ? Une cible, bon. Et Oufkir a été exécuté le soir même par un trio dont faisait partie le roi Hassan. Et ça a été la fin de cet homme qui a donc été haï par les Marocains pendant tant d'années. Mais sa mort l'a en quelque sorte lavé de ses crimes et même dans l'opposition marocaine, le sentiment pour Oufkir avait changé. Mais voilà, entre-temps, Oufkir a rencontré une femme, Fatima, qui est devenue Fatima Oufkir, une femme dont il tombe amoureux fou et la réciprocité semble être de même nature. Seulement, on ne change pas comme ça. Oufkir trompe Fatima qui trompe Oufkir, entre autres avec Hassan. De quoi affirmer que l'histoire Oufkir risque fort de ne pas s'arrêter là. Pour des raisons évidentes, il n'existe pratiquement pas, à notre connaissance, de chansons contestataires marocaines s'opposant au régime autoritaire de Hassan II. La seule révolte, celle de l'émancipation féminine, se fit à petits pas et en douceur. Le Maroc étant un pays traditionnaliste, cela prit du temps. Petit à petit, les femmes remirent en question leur statut pour arriver à être mises sur un pied d'égalité, comme par exemple dans cette chanson où la femme décrète que chagrin d'amour fait autant mal chez une femme que chez un homme. Cela peut prêter à sourire, mais c'est un progrès. Dans nos contrées, il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas d'âme. Najat Aatabou, interprète, dis-moi juste la vérité. I know. Chapitre 2. Après l'entracte, retour à la cour. Il règne, maître de tous et de chacun, brisant par la répression, pourrissant par la corruption, truquant par la fraude, courbant par la peur. C'est avec cette quatrième de couverture que paraît à la sortie de l'été 1990 un bouquin, Notre ami le roi, chez Gallimard, dans la collection Au vif du sujet, dirigée par Edoui Plenel, aujourd'hui rédacteur en chef du Monde. Patrick Ferlat reçoit à l'époque Gilles Perrault, qui évoque notamment à son micro ce qu'il est advenu de la veuve du général Oufkir, ancien bras droit d'Hassan, suicidé, selon la version officielle, d'une balle en pleine poitrine, d'une autre au rein, d'une troisième dans le bras droit et d'une quatrième entrée par la nuque et ressortie par l'œil gauche. Un véritable suicide de contorsionniste. Peu après les obsèques, l'armée surgit autour de la villa où résident Fatima Oufkir et ses six enfants, dont la petite Myriam, qui est épileptique, et le tout dernier, Abdelatif, qui a 3 ans. Extrait de Notre ami le roi de Gilles Perrault. Les fourgons partent pour une destination inconnue. Le colonel Chena, père de Fatima, reçut pendant quelque temps la visite régulière d'un mystérieux émissaire à qui il remettait les médicaments que requérait l'épilepsie de la petite Myriam. Un jour, l'émissaire lui fit dire que ce n'était plus la peine. Il en conclut que Myriam était morte, mais ne posa pas de questions. Aucun des parents, intimes, familiers, connaissances ou relations mondaines de la famille Oufkir, ils étaient des centaines, ne s'enquit jamais du sort des disparus. Aucun des fils de millionnaires ou de ministres qui fréquentaient assidûment la belle Malika ne demanda ce qu'elle était devenue. Au Maroc d'Hassan II, on ne pose pas de questions. Ils ont été détenus pendant 6 ans, séparés dans des cellules obscures. Obscurs, sans lumière, dont ils ne sortaient jamais, jamais. On les a trimballés comme ça, de bagne en bagne, de prison en prison. Et puis, un jour de 1987, quatre enfants ont réussi à s'évader et à donner l'alarme. Le monde a su quel était le calvaire des enfants Oufkir. Et puis, ils ont été repris. Ils sont maintenant détenus dans une villa à Marrakech. Ça n'est donc plus les bagnes horribles des dernières décennies, mais tout de même. Et des négociations sont engagées pour qu'ils puissent émigrer. Ils voulaient aller au Québec. Et Georges Kiegeman, l'avocat français bien connu, était leur avocat. Il a rencontré Hassan II à plusieurs reprises et on lui a promis qu'il pourrait partir pour le Québec. Et puis au dernier moment, Hassan II a tout interrompu. Et les Oufkir sont encore donc privés de la liberté, de leur liberté. Alors pensez à cet enfant, par exemple, Abdelatif Oufkir, qui avait 3 ans au moment du coup d'État, en 1972. Comment un enfant de 3 ans pourrait-il être responsable des actes de son père, même s'il en avait 18, comme l'aîné, la fille Malika? Pensez que Abdelatif Oufkir ne se souvient même pas du visage de son père, il ne l'a pas connu. Eh bien, depuis 18 ans maintenant, il subit un calvaire, parce que lui a été frappé. Il ressemble beaucoup à son père, et alors on l'a frappé, on lui a cassé les dents, ils ont essayé de se suicider. Bon, on les a sauvés pour que leur calvaire continue. C'est vraiment une histoire atroce et je pense qu'il y a beaucoup d'horreurs dans le monde, nous le disions tout à l'heure. Mais je crois vraiment, et les gens d'Amnesty International le croient aussi, que des horreurs de gens, cette volonté de vengeance, mais des décennies après l'événement, cela ne se trouve qu'au Maroc. Il n'y a qu'au Maroc, je crois, qu'un enfant de 3 ans subit depuis maintenant 18 ans les conséquences des actes de son père. Déclaration de Fatima Oufkir au mois de juillet 1999. Hassan II vient de disparaître. Ma réaction va vous surprendre. Oui, c'est vrai, j'ai pleuré le roi toute la nuit, jusqu'à 4 heures du matin, en regardant en direct la télévision marocaine. L'annonce de sa mort a été un coup très dur pour moi. Les amis qui me téléphonaient pensaient que j'allais sauter de joie. Ils ont été déçus de me voir pleurer. Je porte le deuil dans mon cœur, mais c'est ainsi. Comment vous expliquer ma réaction ? C'est un sentiment bizarre et complexe, difficile à formuler. Dans ces moments-là, Il n'y a ni rancœur, ni haine. On oublie le mal, même quand il a été immense, pour ne se souvenir que des bons moments. Comment oublier les soins qu'il m'a prodigués quand j'étais malade? J'avais 20 ans. Comment oublier la fête qu'il m'avait organisée pour cet anniversaire? Il avait fait préparer un gâteau aussi grand que la table. Il m'avait fait danser toute la soirée, au grand désespoir d'Oufkir, qui était encore plus jaloux du roi que des autres hommes. C'est vrai, j'étais liée au roi. Avec lui, j'ai connu la joie, la gaieté, le luxe et l'insouciance. Malheureusement, ma famille et moi avons payé trop cher ces moments de bonheur, puisque le roi, pour se venger de mon mari, nous a enfermés pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis heureuse que le roi, avant de mourir, ait manifesté dans l'interview qu'il a accordée à Jean Daniel son regret pour ce qu'il nous a fait subir. Un regret d'autant plus vif, a-t-il dit, quand je pense aux conditions dans lesquelles ces personnes ont été traitées. Cette reconnaissance équivaut pour nous à une véritable réhabilitation. Une réhabilitation que nous attendions depuis des années. Curieuse contradiction de ce peuple opprimé, bafoué et martyrisé pendant 38 ans qui pleure la disparition de son roi. Insondable énigme. Si nous rôdons un peu misérablement autour de la piscine de la Mamounia, c'est dans le vain espoir de l'élucider. Comment comprendre l'immunité accordée à cet autocrate dont le jardin secret est aujourd'hui le plus irrespirable de la planète? Les dictatures ne manquent pas qui violent cyniquement les droits de l'homme. Mais c'est dans le seul royaume de Hassan II qu'on trouve des prisonniers ayant depuis longtemps purgé leur peine, mais toujours détenus, plus de 18 ans après les faits, dans des cachots sans lumière. Nulle part ailleurs, et pas même naguère dans le goulag stalinien, des enfants ne sont séquestrés dans des conditions abominables pour expier le crime d'un père que les plus jeunes n'ont pratiquement pas connu. Nulle part ailleurs, des vieillards centenaires ne meurent au fond d'une geôle. Nulle part ailleurs n'était concevable le martyre des jeunes de Marrakech. 31 lycéens et étudiants de Marrakech, condamnés à de lourdes peines de prison jusqu'à 20 ans à la suite des émeutes de la fin de janvier 84. Beaucoup niaient formellement leur participation à l'événement et le tribunal ne disposait d'aucune preuve, mais tous étaient fichés par la police comme contestataires. Peu après le procès, 27 se lancèrent dans des grèves de la faim intermittentes. Ils réclament le droit d'étudier en prison, de recevoir la presse autorisée au Maroc. Face au refus du pouvoir, ils durcissent leur mouvement. Leur affaiblissement nécessite bientôt leur hospitalisation. Transféré à Beni Mellal, Abdelhakim Meskini meurt le 18 juillet 1984. Hospitalisé à Marrakech, Boubacar Douraïdi meurt le 28 août. Il avait 19 ans. Le lendemain, c'est au tour de Mustapha Belouari, son voisin de lit. Ils en étaient à leur 57e jour de jeûne. Demain, les prisonniers de Tazmamart nous permettront eux aussi également de rappeler ce que fut l'envers du royaume du soleil et de son monarque Hassan II. Les maîtres musiciens de Djadjouka, ou aussi Djoudjouka, sont tous des professionnels de la région de Tanger. Issus individuellement de longues dynasties de musiciens, ils sont considérés comme des magiciens et leur vie, de l'enfance à la mort, est consacrée uniquement à la musique gnawa. Quand un musicien trop âgé part, il est aussitôt remplacé par un jeune. C'est pourquoi leur formation est de tous âges et ils se produisent partout où on les engage. Ils furent découverts en 1957 par un musicologue anglais dans un restaurant chic de Tanger. Plus tard, au milieu des années 60, Brian Jones craqua et enregistra un festival entier où ils se produisirent, les faisant connaître dans le monde entier. Cet enregistrement a été fait par Bill Laswell en 1991, à Djadjouka même, au pied du Rif marocain. Les maîtres musiciens de Djadjouka interprètent « Ahabibi Waja Tala Aleya ». Thank you.